Le 20 janvier. Cher papa Faucheux, avez-vous jamais eu une chère petite fille volée tout enfant dans son berceau? Peut-être suis-je ce baby-là. S'il s'agissait d'un roman, cela pourrait faire le dénouement, n'est-ce pas? C'est vraiment très curieux de ne pas savoir ce qu'on est, tout à fait piquant et romanesque. Toutes les éventualités sont admises. Peut-être ne suis-je pas américaine, tant de gens ne le sont pas. Il se peut que je descende en ligne droite des vieux Romains, où je suis peut-être la fille d'un viking, ou bien l'enfant d'un exilé russe, et j'aurai droit à une prison sibérienne. Ou encore, suis-je une bohémienne, et probablement, c'est là la vérité. J'ai une nature errante, quoique jusqu'à présent, je n'ai pas eu beaucoup d'occasion de la développer. Connaissez-vous l'unique tare scandaleuse de mon passé, quand je me suis évadée de l'asile parce qu'on m'avait puni pour avoir volé des gâteaux? C'est inscrit dans les livres que tout membre du comité peut lire. Mais, en vérité, papa, n'était-ce pas à prévoir? Quand on met une petite fille de 9 ans affamée à l'office pour nettoyer les couteaux avec les gâteaux à portée de sa main, et quand on la laisse seule, ne doit-on pas s'attendre, lorsqu'on revient tout à coup, à trouver quelques miettes sur son tablier? Représentez-la vous prise par le coude et calottée, lui ayant fait quitter la table au moment du dessert, et en disant à toutes les autres enfants qu'elle était punie comme voleuse, n'auriez-vous pas deviné qu'elle tenterait de s'évader? J'ai couru 4 miles à peine. Ils m'ont rattrapé et m'ont ramené à l'asile. Et chaque jour, pendant une semaine, j'ai été attachée, comme un méchant petit chien, à un poteau dans l'arrière-cour, tandis que les autres enfants étaient en récréation. Ciel, j'entends la cloche de la chapelle, et après la prière, j'ai une réunion de mon comité. Je le regrette, car cette fois-ci, je voulais vraiment vous écrire une lettre amusante. Au Wiedersehen, dear papa, Pax Tibi, Joujou. Postscriptum. Il y a une chose dont je suis absolument sûre, je ne suis pas un Chinois. Le 4 février, cher papa Faucheux, Jimmy McBride m'a envoyé une bannière de Princeton qui tient tout un côté de la chambre. C'est très gentil d'avoir pensé à moi et je lui en suis reconnaissante. Mais je n'ai pas la moindre idée de ce que je vais faire de son cadeau. Sally et Julia ne veulent pas que je la pende au mur. Notre chambre cette année est meublée en rouge, et vous pouvez vous imaginer l'effet que ça ferait si j'y ajoutais de l'orange et du noir. Mais la bannière est d'un si bon drap, si chaud et si épais, que cela m'ennuie de ne pas m'en servir. Serait-ce très incorrect de m'en faire un peignoir de bain? Le mien s'est rétréci au lavage. J'ai absolument négligé ces derniers temps de vous dire ce que je suis en train d'apprendre. Vous ne vous en douteriez pas, d'après mes lettres, mais mon temps est entièrement pris par l'étude. C'est très troublant de faire son éducation dans 5 branches différentes. La pierre de touche du vrai savoir, dit le professeur de chimie, est une passion acharnée pour les détails. Ayez bien soin de ne pas trop attacher votre œil sur les détails, dit le professeur d'histoire, mais prenez un recul suffisant pour avoir une vue d'ensemble. Vous voyez avec quelle précaution nous devons naviguer entre la chimie et l'histoire. C'est la méthode historique que je préfère. Si je dis que Guillaume le Conquérant est arrivé sur nos côtes en 1492 et que Christophe Colomb a découvert l'Amérique en 1100 ou 1066 ou à n'importe quelle date, c'est un simple détail dont le professeur ne se soucie pas. Cela vous donne à la classe d'histoire un sentiment de sécurité et de quiétude qui manque entièrement en chimie. La cloche de 6 heures. Il faut que j'aille au laboratoire pour m'occuper d'une petite affaire d'acide, de sels et de bases d'alcali. J'ai brûlé mon tablier de chimie avec de l'acide chlorhydrique, et j'y ai fait un trou aussi large qu'une assiette. Si la théorie était exacte, je pourrais neutraliser ce trou avec de bon ammoniac concentré, n'est-il pas vrai? Examen la semaine prochaine. Mais qui donc a peur? Toujours à vous, Joujou. Le 5 mars, cher papa Faucheux, il souffle un vent de mars, et dans le ciel couvert fuient des nuages noirs et lourds. Les corbeaux jettent de grands cris dans la forêt de pins. C'est un bruit hilarant, provoquant, qui vous grise et vous attire. On voudrait fermer ses livres, s'en aller par les monts, pour lutter de vitesse avec le vent. Samedi dernier, nous avons eu un rally paper sur une distance de 5 miles de terrain marécageux. Le renard, représenté par 3 jeunes filles munies d'un boisseau de confettis, avait une avance d'une demi-heure sur les 27 chasseurs. J'étais un des 27. 8 ont lâché en route, et nous restions 19 pour finir la course. La piste passait au-dessus d'une colline, à travers un champ de blé, et dans un marais où nous devions sauter légèrement de place en place. Bien entendu, nous nous y sommes pour la plupart enfoncés jusqu'à la cheville. À chaque instant, nous perdions la trace, et ce maudit marais nous a arrêtés au moins 25 minutes. Cependant, nous avons retrouvé la piste qui remontait une colline à travers bois et passait par une fenêtre de grange. Les portes en étaient fermées et la fenêtre était haute et toute étroite. Ce n'était pas de jeu, n'est-ce pas ? Mais nous n'y sommes pas entrés. Nous avons contourné la grange et découvert la piste à sa sortie, sur le toit d'un hangar et le sommet d'une haie. Là, le renard a bien cru qu'il nous tenait, mais c'est nous qui l'avons attrapé. Et puis, en ligne droite, sur 2 miles de prairie, terriblement difficile à suivre, car les confettis devenaient de plus en plus espacés. La règle veut que les confettis se suivent à 6 pieds d'intervalle au plus. Mais je n'ai jamais vu de 6 pieds aussi longs. Finalement, après 2 heures d'un trot soutenu, nous avons dépisté M. Renard dans la cuisine de Crystal Spring, une ferme où les jeunes filles vont en traîneau et en charrettes à foin pour faire des soupers de poulet et de gaufres. Nous avons trouvé les 3 renards prenant tranquillement du lait avec du miel et des biscuits. Ils ne croyaient pas que nous arriverions aussi loin. Ils comptaient que nous resterions en panne devant la fenêtre de la grange. Les 2 côtés prétendent avoir gagné. Je crois que c'est nous, n'est-ce pas, puisque nous les avons rattrapés avant qu'elles ne soient rentrées au campus. Quoi qu'il en soit, toutes les 19, telles des sauterelles dans un champ, nous nous sommes campées sur les meubles, demandant à grands cris du miel. Il n'y en avait pas pour tout le monde, mais Madame Crystal Spring, c'est ainsi que nous l'appelons familièrement, son vrai nom est Johnson, a apporté un grand pot de confiture de fraises, un cruchon de sirop d'érable, préparé la semaine dernière, et 3 pains bis. Nous ne sommes pas rentrés au collège avant 6h30, une demi-heure en retard pour le dîner, et nous y avons couru sans prendre le temps de changer de vêtements, avec un appétit encore féroce. Puis nous avons toutes lâché la prière du soir, l'état de nos chaussures étant une excuse suffisante. Je ne vous ai jamais parlé des examens. Je les ai tous passés, avec la plus grande facilité. Je connais le truc maintenant, et je n'échouerai plus jamais. Cependant, je ne pourrai pas décrocher mon brevet avec mention, à cause de cette sale prose latine et de ma géométrie de première année. Mais cela m'est égal. Quiconque grogne. C'est une citation. Vous voyez que j'ai lu mes classiques. À propos de classiques, avez-vous jamais lu Hamlet ? Sinon, faites-le sans tarder. C'est rien chouette. J'ai entendu parler de Shakespeare toute ma vie, mais je ne croyais pas qu'il écrivît aussi bien. Je l'avais toujours soupçonné de vivre largement sur sa réputation. Quand j'ai commencé à apprendre à lire, j'ai inventé un bien joli jeu. Je m'endors chaque nuit en m'imaginant être le personnage, le principal personnage du livre que je suis en train de lire. Pour le moment, je suis Ophélie, mais une Ophélie pleine de bon sens. Je ne laisse pas Hamlet s'ennuyer un seul moment, et je le cajole, et je le gronde, et je lui fais mettre son cache-nez quand il est enrhumé. Je l'ai entièrement guéri de sa mélancolie. Le roi et la reine sont morts tous les deux, un accident en mer, donc pas de funérailles. Et Hamlet et moi, nous régnons sur le Danemark sans le moindre tracas. Tout marche à merveille dans le royaume. Il se charge du gouvernement et moi je m'occupe des bonnes œuvres. Je viens justement de fonder quelques orphelinats de tout premier ordre. Si vous ou les autres membres du comité étiez désireux de les visiter, je me ferais un plaisir de vous en faire les honneurs. Je crois que vous pourrez y récolter quelques idées utiles. Je suis, monsieur, très gracieusement, votre Ophélie, reine de Danemark. Le 24 mars, peut-être le 25. Cher papa Faucheux, je ne crois pas que je doive aller au ciel. Il m'arrive tant de bonnes choses ici-bas. Ce ne serait pas juste de les avoir encore là-haut. Écoutez plutôt ce qui s'est passé. Jerusha Abbott a gagné le prix du concours de petites nouvelles, un prix de 25 $, organisé chaque année par la revue mensuelle. Elle qui n'est qu'une sophomore, et les concurrentes étaient presque toutes des seniors. Lorsque j'ai vu mon nom affiché, je pouvais à peine en croire mes yeux. Après tout, je deviendrai peut-être auteur. Je regrette que Madame Lippett m'ait donné un nom si idiot. Un nom qui sonne comme celui d'une femme. Auteur. N'est-il pas vrai ? De plus, j'ai été désignée pour participer à un autre spectacle de printemps, comme il vous plaira, en plein air. Je serai Célia, la propre cousine de Rosalind. Enfin, Julia, Sally et moi, nous allons à New York vendredi prochain pour faire quelques achats. Nous y passerons la nuit et nous irons le lendemain au théâtre avec M. Gervy. Il nous a invités. Julia ira chez elle dans sa famille, mais Sally et moi, nous descendrons à l'hôtel Martha Washington. Vous imaginez-vous cela ? Je n'ai jamais été à l'hôtel de ma vie, ni au théâtre, sauf une fois, quand on a donné une fête à l'église catholique et que les orphelins ont été invités. Mais on n'a pas joué une vraie pièce, et cela ne compte pas. Et que croyez-vous que nous allons voir ? Hamlet, qu'en dites-vous ? Nous l'avons travaillé pendant 4 semaines à la classe de Shakespeare, et je le sais par cœur. Je suis tellement agitée par tous ces beaux projets que je puis à peine dormir. Au revoir, papa. Ce monde est vraiment très divertissant. Toujours à vous. Joujou. Post-scriptum. Je viens de regarder le calendrier. C'est le 28. Encore un post-scriptum. Aujourd'hui, j'ai vu un conducteur de tramway avec un œil brun et l'autre bleu. Quel bon traître il ferait dans une histoire de détective. Le 7 avril. Cher papa Faucheux, miséricorde, comme New York est immense. Worcester n'est rien à côté. Franchement, comment faites-vous pour vivre dans cette foule et ce bruit ? Je crois qu'il me faudrait des mois pour me remettre des 2 jours effarants que j'ai passés là-bas. Je ne puis pas vous dire toutes les choses stupéfiantes que j'ai vues. Vous devez d'ailleurs les connaître, puisque vous vivez au milieu d'elles. Mais comme les rues sont amusantes, et les gens, et les magasins, que de choses éblouissantes dans les vitrines. Rien qu'à les voir, on serait tenté de consacrer toute sa vie à mettre de jolies robes. Samedi matin, Sally, Julia et moi, nous avons couru les magasins ensemble. Julia est entrée dans un des endroits les plus somptueux que j'ai jamais vus. Murs blancs et or, et tapis bleus, et rideaux en soie bleue, et chaises dorées. Une dame d'une beauté parfaite, avec des cheveux jaunes, une robe de soie noire à traîne, est venue avec un sourire de bienvenue à notre rencontre. J'ai cru que nous faisions une visite mondaine et j'allais lui donner une poignée de main, mais il paraît que nous étions simplement là pour acheter des chapeaux. C'était au moins le cas de Julia. Elle s'assit devant un miroir et essaya une douzaine de différents modèles, plus jolis les uns que les autres, et finit par acheter les 2 plus beaux. Je ne puis m'imaginer de joie plus grande que de s'asseoir en face d'un miroir et d'acheter le chapeau qu'il vous plaît sans avoir à s'occuper du prix. Il n'y a pas à dire, papa, New York détruirait rapidement tous les beaux principes stoïques que l'asile John Grier m'a si patiemment inculqués. Après avoir terminé nos achats, nous avons rencontré M. Gervy chez Sherry. Je suppose que vous avez été chez Sherry. Représentez-vous le réfectoire de l'asile John Grier avec ses tables couvertes de toiles cirées, ses faïences qu'on n'arrive pas à casser et ses couteaux et fourchettes à manches de bois. Et rendez-vous compte de mes sensations. J'ai mangé mon poisson avec une fourchette destinée à la viande, mais le garçon me l'a très aimablement changé et personne ne s'en est aperçu. Après le linge, nous sommes allés au théâtre. C'était étonnant, éblouissant, étourdissant. J'en rêve encore toutes les nuits. Que Shakespeare est merveilleux. Hamlet est 1000 fois mieux au théâtre que quand nous l'analysons en classe. Je l'ai toujours apprécié, mais maintenant quelle différence ! Je pense, si cela vous est égal, que j'aimerais mieux être actrice qu'auteur. Êtes-vous d'avis que je quitte le collège pour entrer dans une école d'art dramatique ? Je vous enverrai une loge pour toutes mes représentations et un beau sourire par-dessus la rampe. Seulement, je vous prierai de porter une rose rouge à la boutonnière de façon à être sûre de ne pas me tromper de monsieur. Ce serait une terrible gaffe si mon sourire allait à une fausse adresse. Nous sommes rentrés samedi soir et nous avons dîné dans le train à de petites tables avec des lampes roses et servis par des garçons nègres. Je ne savais pas qu'il y eût des restaurants dans les trains et je l'ai dit sans réfléchir. « Pour l'amour de Dieu, où avez-vous été élevé ?» me dit Julia. « Dans un village, » lui répondis-je humblement. « Mais n'avez-vous jamais voyagé ?»« Pas avant de venir au collège, et alors il n'y avait que 60 miles à faire et nous n'avons pas mangé en route. » Julia commence à s'intéresser beaucoup à moi, parce que je dis de si drôles de choses. J'essaie de les garder pour moi, mais elles m'échappent à la moindre surprise. Et tout est surprise pour moi. C'est une sensation étourdissante, papa, de passer 18 ans dans l'asile John Grier, et puis tout à coup de se trouver précipité dans le monde. Mais je commence à m'acclimater. Je ne fais plus les terribles impairs du début, et je me sens à l'aise avec les autres jeunes filles. Dans le temps, j'avais la tremblotte quand on me regardait. Il me semblait que sous mes jolies toilettes neuves, On voyait toujours mes vieux guingans à carreaux, mais j'en ai fini pour toujours avec les vieux guingans. J'ai oublié de vous parler de nos fleurs. Monsieur Gervie nous a donné à chacune un gros bouquet de violettes et de muguets. Gentil de sa part, n'est-ce pas ? Je n'avais pas jusqu'ici une grande sympathie pour les hommes, ne connaissant que ces messieurs du comité. Mais maintenant, je commence à changer d'avis. 11 pages, en voilà une lettre, mais rassurez-vous, j'ai fini. Toujours à vous, Joujou. Le 10 avril. Cher monsieur Crésus, voici votre chèque de $50. Je vous en remercie beaucoup, mais je ne crois pas devoir le garder. Ma pension est suffisante pour payer tous les chapeaux dont j'ai besoin. Je regrette de vous avoir écrit toutes ces bêtises à propos de notre visite chez la modiste. C'est tout bonnement parce que je n'avais jamais rien vu de pareil. Mais je ne mendiais pas, et je préfère ne pas recevoir d'autre charité de vous que le nécessaire. Sincèrement à vous, Jerusha Abbott. Le 11 avril, papa chéri, pardonnez-moi la lettre que je vous ai écrite hier. À peine l'avais-je mise à la poste que je m'en suis repenti. J'ai demandé qu'on me la rendît, mais cette brute d'employé n'a pas voulu. Il est maintenant minuit passé, j'ai été tenue éveillée pendant 2 heures en pensant à la petite bête, la vilaine petite bête que je suis. C'est tout ce que je trouve à dire. J'ai fermé la porte du cabinet de travail tout doucement pour ne pas réveiller Julia et Sally. Je suis assise dans mon lit et je vous écris sur une feuille de papier que j'ai arrachée à mon cahier d'histoire. Je tenais surtout à vous dire combien je regrette d'avoir été si impoli à propos de votre chèque. Je sais que vous avez voulu me faire plaisir et vous êtes un amour de vous donner toute cette peine pour une bêtise comme un chapeau. J'aurais dû vous rendre le chèque d'une manière plus gracieuse. Mais, en tout cas, je devais vous le rendre. Je ne suis pas comme les autres jeunes filles. Il aurait permis d'accepter des cadeaux. Moi, je ne le puis pas. Elles ont des pères, des frères, des oncles et des tantes. Mais moi, je n'ai de parenté avec personne au monde. J'aime à m'imaginer, rien que pour le plaisir de caresser cette idée, que je vous suis quelque chose. Mais je sais bien qu'il n'en est rien. Je suis seule, vraiment seule, le dos au mur et en lutte contre le monde. J'ai mal quand j'y pense. Cependant, je chasse ces idées et je reste dans mes illusions. Mais ne voyez-vous pas, papa, que je ne puisse accepter davantage, parce qu'un jour, en effet, je sentirai le besoin de tout rendre. Et nul auteur, fût-il aussi célèbre que je compte le devenir, ne serait en mesure de s'acquitter d'une dette aussi formidable. J'aimerais bien avoir de jolis chapeaux et le reste, mais je ne dois pas hypothéquer l'avenir pour les payer. Vous me pardonnez, n'est-ce pas, d'être si malhonnête ? J'ai la mauvaise habitude, à peine ai-je pensé une chose, de l'écrire et de mettre tout de suite à la poste une lettre que je ne peux pas rattraper. Si parfois je parais insouciante et ingrate, c'est sans le vouloir. Je vous remercie, du plus profond de mon cœur, pour la vie libre et indépendante que vous m'avez faite. Mon enfance n'était qu'une longue et triste période de révolte. Et maintenant, je suis si heureuse à chaque heure de la journée que j'ai peine à croire que tout cela est arrivé. Il me semble que je suis l'héroïne de quelque roman. Il est 14h15. Je vais aller maintenant sur la pointe des pieds mettre ma lettre à la poste. Vous la recevrez immédiatement après l'autre. De cette façon, vous n'aurez pas longtemps à m'en vouloir. Bonsoir, papa. Je vous aime toujours. Joujou. Le 4 mai. Cher papa Faucheux, samedi dernier était un jour de gala. C'était l'occasion d'un grand spectacle. Pour commencer, nous avons eu un défilé de toutes les classes, tout le monde habillé de soie blanche, les seniors portant des ombrelles japonaises bleues et or, les juniors des bannières blanches et jaunes. Notre classe avait des ballons cerises, d'autant plus amusants qu'à tout instant ils s'échappaient et s'envolaient. Les élèves de première année portaient des chapeaux verts, en papier de soie, avec de longs rubans flottant dans le dos. On avait fait venir un orchestre de la ville, les musiciens en uniforme bleu. Enfin, nous avions une douzaine de comiques, comme les clowns de cirque, pour égayer les spectateurs entre chaque numéro. Julia était travestie en gros campagnard, avec une cache-poussière de toile et un parapluie ventru comme une outre. Elle avait une paire de favoris. Patsy Moriarty, c'est-à-dire Patricia. A-t-on jamais entendu un pareil nom ? Madame Lippett n'aurait pas trouvé mieux. Qui est grande et mince, était la femme de Julia et portait sur l'oreille un absurde chapeau vert. Tout le monde éclatait de rire sur leur passage. Julia a admirablement joué son rôle. Je n'aurais jamais cru qu'une Pendleton pouvait faire preuve de tant d'esprit comique. Soit dit sans offenser M. Jervis, que je ne considère pas comme un vrai Pendleton. Pas plus que je vous considère comme un vrai membre du comité. Sally et moi, nous ne faisions pas partie du défilé parce que nous figurions au programme sportif. Et que dites-vous de ça ? Nous avons gagné toutes les deux, au moins dans certaines épreuves. Pour le saut en largeur, nous avons perdu. Mais Sally a gagné le saut de la perche, 7 pieds 3 pouces. Et j'ai gagné la course de vitesse, 50 yards, 8 secondes. J'étais un peu essoufflée à la fin, mais c'était très amusant, toute la classe agitant ses ballons, applaudissant et criant « Qu'est-ce qu'elle a donc, Joujou à bottes ? Elle va bien ? Qui va bien ? Joujou à bottes ? Ça, papa, c'est la vraie gloire !» Puis de rentrer dans la tente où l'on s'habille et se faire frotter avec de l'alcool en suçant un citron. Comme vous voyez, nous sommes de vrais professionnels. C'est une belle chose que de gagner une course comme champion de sa classe, car la classe qui gagne le plus grand nombre d'épreuves obtient la Coupe des sports pour l'année. Les seniors l'ont gagné cette année-ci avec 7 épreuves à leur actif. L'association des sports a donné un dîner dans le gymnase à tous les gagnants. Nous avons eu des crabes frits et des glaces au chocolat moulées en forme de basketball. J'ai passé une partie de la nuit dernière à lire Janer. Êtes-vous assez âgé, papa, pour vous souvenir d'il y a 60 ans ? Et dans ce cas, dites-moi si les gens parlaient réellement comme cela. Ainsi, la hautaine Lady Blanche dit à son valet de pied « Assez de bavardage, drôle, et fais ce que je t'ordonne. » Le héros, M. Rochester, lorsqu'il veut parler du ciel, l'appelle « la voûte de métal ». Quant à la folle qui rit comme une hyène, qui met le feu au rideau du lit, déchire les voiles de la mariée et qui mord, c'est du plus pur mélo. Et malgré tout, on lit, on lit, on lit. Je ne conçois pas qu'une jeune fille ait pu écrire un livre comme celui-là. Surtout une jeune fille qui a été élevée dans un cimetière. Il y a quelque chose chez ces Brontë qui me fascine. Leurs livres, leur vie, leur caractère. D'où cela leur vient-il ? Quand j'ai lu le récit des malheurs de la petite Jeanne dans son lugubre pensionnat, j'étais tellement en colère que j'ai dû sortir et marcher vite. J'ai parfaitement compris ce qu'elle a ressenti. Ayant connu Madame Lippett, je vois d'ici M. Brocklehurst. Ne vous formalisez pas, papa. Je ne prétends pas que l'asile John Greer ressemblait à l'Institut de Lowood. Nous avions assez à manger, de quoi nous vêtir, de l'eau pour nous laver et un calorifère dans la cave. Mais il y avait tout de même une similitude effrayante. La vie était absolument monotone et triste. Il ne se passait jamais rien, sauf les glaces du dimanche, et elle revenait avec une régularité désespérante. Pendant les 18 années que je suis restée là, je n'ai eu qu'une seule aventure, quand le hangar a brûlé. Nous avons dû nous lever la nuit et nous habiller afin d'être prêtes à filer au cas où la maison prendrait feu. Mais elle n'a pas pris feu et nous nous sommes recouchés. Tout le monde aime avoir quelques surprises. C'est un besoin naturel. Mais je n'ai pas eu de surprise jusqu'au jour où Madame Lippett m'a fait venir dans son bureau pour me dire que M. John Smith voulait m'envoyer au collège. Et alors même, elle m'a appris cette nouvelle si graduellement que j'ai à peine éprouvé un choc. Vous savez, papa, je pense que pour n'importe qui, la qualité la plus nécessaire, c'est l'imagination. Elle vous permet de vous mettre à la place des autres. Elle vous rend bon, sympathique et intelligent. On devrait la cultiver chez les enfants. Mais l'asile John Greer éteignait instantanément la moindre lueur à sa première apparition. Le sentiment du devoir était l'unique qualité qu'on encouragea. Selon moi, les enfants ne devraient même pas connaître la signification de ce mot. C'est odieux, détestable. L'amour seul devrait les guider. Attendez, vous verrez l'orphelinat dont je serai un jour directrice. C'est mon jeu favori, la nuit, avant de m'endormir. J'en fais le plan jusque dans ses moindres détails. Les repas, les robes, le travail, les distractions et les punitions, car même mes orphelins à moi sont quelquefois méchants. Mais de toute façon, ils seront heureux. Je trouve que chacun, quels que soient les soucis qu'il aura plus tard dans la vie, a droit à une enfance heureuse, qui reste dans son souvenir. Et si jamais j'ai des enfants, à moi, même si je suis malheureuse, je ne leur permettrai pas d'avoir des soucis avant qu'ils ne soient grands. Voilà la cloche de la chapelle. Je finirai cette lettre une autre fois. » Jeudi. Cet après-midi, en revenant du laboratoire, j'ai trouvé un écureuil assis sur ma table à thé, mangeant des amandes. Telles sont les visites que nous recevons maintenant qu'il fait chaud et que la fenêtre reste ouverte. Peut-être vous imaginez-vous que, comme c'était hier samedi et qu'aujourd'hui il n'y avait pas de classe, j'ai passé une bonne soirée à lire des livres de Stevenson que j'ai achetés avec l'argent reçu comme prix. Si vous croyez cela, papa chéri, c'est que vous n'avez jamais fait partie d'un collège de jeunes filles. 6 amies sont arrivées à l'improviste pour faire du chocolat, et une d'elles a laissé tomber la casserole avec tout son contenu sur notre plus beau tapis. Jamais nous ne pourrons enlever les taches. Depuis quelque temps, je ne vous parle plus de mes cours, ce qui ne nous empêche pas d'en suivre tous les jours. Cela fait toutefois du bien de les laisser de côté et de discuter les grandes questions de la vie. Discussions un peu boiteuses entre vous et moi, mais c'est de votre faute. Vous avez le droit de répondre quand cela vous plaira. Voilà une lettre que j'ai mis 3 jours à écrire, et j'ai bien peur qu'à l'heure qu'il est, vous n'en ayez assez. Au revoir, monsieur l'homme charmant, Joujou.